Allô? Ouais, c'est moi. Papa, écoute, j'anticipe ta réaction, c'est vrai. Je voulais t'écrire, mais chaque jour est l'homicide de la rédaction. Pour les études, je crois m'être jeté dans la gueule du Louvre. En fait, toi et moi avons tué le temps, mais c'est son deuil qui est lourd. Allô papa, bobo, qu'est-ce qu'on a fait? L'état de mon cœur n'est pas beau et cette voix devient faible. Une fois encore, mon cœur va t'esquiver, il va s'éclipser, mais qu'est-ce qu'il fait? Maman m'appelle, papa, je dois raccrocher. Allô, ça va? Ouais. J'ai pas réussi. Pas réussi à quoi? J'ai pas réussi. Savez pourquoi? Pourquoi ces prises de tête, ces crises de nerfs, ces tristes textes qui arrivent à faire d'un père de coups de détresse? C'est fou comme un divorce peut laisser des traces. C'est fou comme un petit gosse veut que le désert s'efface. J'ai beau creuser, la complicité reste introuvable. Parce qu'au fond, les bons et mauvais souvenirs se font rares. Papa, je te chuchote, c'est quelques lignes, c'est quelques mots. Savez comprendre que son absence me mine et me fait. Je veux pas trop connaissance, supprime les deux premières lettres. J'ai le moral qui tremble comme le dos de la belle-mère. Marre comment dans ce climat on laisse fondre un cœur. Et puis marre d'être l'intermédiaire de mes deux fondateurs, de mes poumons. Un second souffle pour mon père, je le répète. J'ai peur qu'il parte sur le tropique du cancer. Je m'y attendais pas, moi, à ce que tu files d'un coup. Avoir la distance en coup de fil. Attends, je respire un coup. Confession sur l'absence d'un père. Même l'écrire ne guérira pas mes plaies. En moi quelque chose d'indescriptible. Les liens qui nous unissent indestructibles. Confession sur l'absence d'un père. Même l'écrire ne guérira pas mes plaies. En moi quelque chose d'indescriptible. Les liens qui nous unissent indestructibles. Ouais non, y'a pas de problème. Mais tu sais, c'est bien que tu m'as appelé. Ah ouais? Moi aussi, des fois, tu sais, j'ai des choses comme ça sur le cœur. Et c'est pas toujours facile d'en parler. Je sais, j'ai appris pour ton père. Mais tu peux m'en parler si tu veux. Lui en vouloir, comment pourrais-je? Le mien est décédé. Comme beaucoup d'autres, tu vois l'anneau. Je n'ai pas eu le choix de le faire. Toi, tu le tournes le dos. Ce que les proches m'ont dit, étant petit, ne m'a pas plus touché. Verse aucune larme devant ma mère par peur de voir son cœur lâché. Maintenant, j'y pige que je fais semblant et convertis ma peine comme seul repère. Cette vidéo de mon père où tu le vois qui m'appelle. Aujourd'hui, c'est dans mes prières que je crois l'entendre. Paraît-il que là-haut on s'attend, mais cela dépend du plan de Satan. Il me reste que des souvenirs. Comment veux-tu que je le regrette? À l'époque, je voyais tout rose et sa mort m'a pris en traite. Le monde a fait déborder mon cœur d'amour. Ses battements prennent des airs de tambour. C'est le passé, mais faut que je cours sans pitié. Tu reçois des coups. J'ai le choix entre faire avec et faire avec. Devenu l'homme de la famille sans demander de l'aide. Je reste inconsolable et je veux que cela ne soit que pour toi. Un conseil, non une morale. Ensemble, écoutons cette chorale. Chorale. Confession sur l'absence d'un père. Même l'écrire ne guérit. J'ai un double appel. T'inquiète, y'a pas de soucis, moi je te rappellerai, d'accord? Et je te remercie pour le conseil. A plus, l'ami. Plus. Allô? Yo, mon pote, c'est moi. Au fait, je t'ai pas dit la dernière fois. Écoute, faut que tu saches, jamais je me lâche. J'écris ces quelques notes qu'on traite au nom de lâche. Malgré la distance, loin de toute existence, nul ne peut nier, il faut un repère et rien ne le dispense. Même si je le prouvais, dans ma tête ce que j'éprouvais, devenu insupportable, je remonterai le temps si je le pouvais. Durant l'enfance, ton absence, je l'ai perçue comme une offense. Tirée dans tous les sens, dans toutes les communes en France, l'adolescence. Bien sûr qu'il y a de l'essence. Mon cœur est un baril dans lequel il y a de l'essence. Prêt à exploser, cette vie m'a exposé à toutes sortes de galères. En face je reste posé, je suis du père. Y'a plus rien que je trouve super. La seule chose que je veux c'est que tu reprennes la place du père. Toujours bien entouré, je ne redoute que la solitude. Vivre sans père c'est dur, c'est ce que j'ai appris comme seule étude. Confession sur l'absence d'un père. Même l'écrire ne guérira pas mes plaies. En moi quelque chose d'indescriptible. Les liens qui nous unissent indestructibles.